Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le Rockford Show. Bonsoir mon cher Tom. Salut, Comment vas-tu? Tu vas bien, il fait beau, les oiseaux chantent. Bah, ah non, il fait nuit déjà. Les oiseaux chantent, les pavés fleurissent, les mouches pètent, les crapauds volent bas, tout va bien dans le meilleur des mondes. Trump est retourné chez lui, ça c'est très bien aussi. Et nos poilus, bah il y en a plus. Voilà, comme ça, c'est tout va bien. Et ce soir, une émission spéciale poilu, spéciale Ardennes, spéciale velu, avec du métal plein vos oreilles, puisque nous allons vous parler du Metal Vousier Festival, qui affiche complet depuis quasiment l'annonce de l'affiche. Et on est très content et très fier de l'organisateur William, qui viendra nous rendre une petite visite tout à l'heure via le téléphone. Pour l'instant, nous avons commencé cette émission avec des Italiens, mon cher Tom. Oui, la Cuna Coil. La Cuna Coil, ouais, exactement. Avec un live, le titre c'était The Army Inside, et c'est tiré de l'album The 119 Show. Bien, Live in London, sorti le 9 novembre dernier chez Century Media. C'est un quintet de métal. Alors, il marque métal atmosphérique, ouais, moi je trouve pas, c'est sympa, c'est un truc assez sympa. Le groupe s'est formé en 1997, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ils viennent de Milan, bah oui, de Milan, et surtout ils seront en concert, mon cher Tom. À Savigny-le-Temple dans le 77, à l'Empreinte, le 7 décembre prochain. Voilà, alors on va vous mettre deux places, hein, comme ça, au 06 81 01 28 34. Vous nous envoyez un petit SMS et vous nous dites quoi? Qu'est-ce qu'on peut... Faites un jeu de mots avec tout ce qu'on a dit sur Italie, Milan... Ouais, ça va être dur, ça. Non, une blague italienne. Alors, une blague avec un italien dedans. Allez, hop. Elle est bien, ça, là. Hein, ouais. Une courte, hein. Une courte, hein. Moi, j'en ai une. Tu veux que je la raconte? Comme ça, ils pourront pas la dire, celle-là. Ah, vas-y, essaye. Tu sais comment on appelle le sexe des hommes en Italie? On appelle ça un zani, parce que entre les pattes, panzani. Je l'adore, celle-là, elle est simple, elle est facile et tout, je l'adore. Ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Raspy Junker. Ils seront en concert, mon cher Tom, à Paris. Oui, et le 17 novembre prochain, c'est-à-dire ce week-end. Ouais, au c'est club. Ce week-end. Ce sera samedi. 17, bah oui, le jour ça. Où vous pouvez pas prendre votre voiture parce qu'il y a les gilets jaunes. Oui, enfin, ils ont pas le droit de bloquer la route, hein, amis français, ne vous inquiétez pas. Alors, Raspy Junker, donc, ils seront au club et on a des places à vous faire gagner au 06 81 01 28 34. Vous nous dites tout simplement d'où est issu Raspy Junker, c'est simple, hein, de quelle nationalité et de quelle ville. C'est sorti chez MEO Music le 21 octobre 2017 et c'est un quintet de power metal. Voilà. Donc des places à rafler 06 81 01 28 34. Et on a des places aussi pour le petit bain. Oui. Pour dimanche, Beyond Creation et Grod. Voilà. Exactement. Si vous voulez choisir entre l'un ou l'autre, 06 81 01 28 34. Et on a plein d'autres places aussi. Hein. Ouais, on a plein de trucs à vous faire gagner ce soir. Mais là, pour le 18, effectivement, c'est Beyond Creation et Grod. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur demander? Dans quelle émission? Ouais, non, ça va être trop dur. Parce qu'il va falloir qu'ils réécoutent toutes les émissions. Ça va être chiant pour eux. Je sais pas, moi, de quelle nationalité est le groupe Grod? Ouais. Et puis le titre de l'album, le dernier titre de l'album de Grod. Ça va? Ouais, Noël, c'est que le mois prochain. Je sais, mais là, c'est donné. Black Friday, c'est que la semaine prochaine. Mais non, c'est pas ce... Non, c'est le 25. Ah, c'est le 25, d'accord. C'est dans une semaine. T'es un peu en avance sur les cadeaux, là. Ah ouais, mais j'ai envie. Hein. Donc, ce soir à gagner, la Cuna Coil, le Raspy Junker et Beyond Creation et Gorod. Non, voilà. Et puis, en attendant, bah, on va vous passer de la musique. Et on va commencer avec Nanowar of Steel. Alors, le groupe avant s'appelait Nanowar. Ne pas confondre avec Manowar. C'est ce que j'allais te demander. Ça me paraît bizarre. C'est un groupe italien, mais complètement barré. De toute façon, ils sont tous barrés, les Italiens. Ouais, et ils disent, eux, comme quoi ils ont tué un dragon la semaine dernière. Mais un vrai. Vraiment, ils ont vraiment tué un dragon. Ils ont la photo? Je sais pas, mais enfin bon, voilà quoi. Donc ils sont perchés. L'album s'appelle Stairway to Valhalla. Encore plus perché. Le morceau s'appelle Heavy Metal Kibbles. Encore plus perché aussi. Encore plus perché. C'est sorti chez Audioglobe le 9 novembre dernier. qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Je ne m'entends plus dans mon... Tu t'entends plus dans ton casque. Casque. Ah, ça y est, ça y est, c'est revenu. Tu me rassures. Voilà. Le groupe s'est formé en 2003. Ils nous viennent donc d'Italie, de Rome, exactement. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Dedans, on retrouve Fabio Leone, chanteur de Rhapsody, Rhapsody of Fire. Enfin bref, il a chanté un peu partout, Vision Divine et tout ça. On le retrouve sur le premier titre de cet album. On retrouve plein d'invités aussi sur cet album. Et le groupe fait évoluer son chant entre l'anglais, l'italien, le français, l'espagnol, l'allemand, le serbe. Enfin bref, le russe. Ils vont dans tous les dialectes, dans toutes les langues. Et ensuite, la musique, c'est un peu pareil. Ça va de la samba au thrash metal, en passant par, la bossa nova, des choses comme ça. Voilà, un groupe assez intéressant, en tout cas très pro, mais aussi très, c'est un groupe de true, heavy, épique, metal, parodique. Donc voilà. À tes souhaits. Ah, voilà, vous avez tout ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre encore? C'est tout. Sur ce groupe-là, ça sera tout. Et on va passer à All That. Et puis, ne nous appelez pas pendant les émissions, pendant qu'on parle. Hein. All That Remains. All That Remains. Je te laisse en parler. Oui, mais là, on n'est plus en Italie. Là, on traverse l'Atlantique. On est aux États-Unis. On est à Boston. Formé en 98. C'est un quintet de metalcore. Ils nous viennent avec un album de 10 titres qui est sorti le 9 novembre dernier chez Eleven Seven Music, mais cet album s'appelle Victim of the New Diseases. Exactement. Le titre Fuck Love. Ouais, c'est beau. C'est beau l'amour. Hein. Non mais fuck quoi. Bon, t'as tout dit sur ce groupe? Ouais, c'est j'ai bon tout dit. Et le prochain groupe s'appelle Architects. Et là, ils nous viennent de l'autre côté de la Manche. Ouais, ils nous viennent des États. De l'Angleterre. Du Royaume-Uni. De l'autre côté de la Manche, pas l'Atlantique. Non, Angleterre. L'album s'appelle Holy Hell, Joyeux Enfer. Joyeux Enfer. Et le morceau que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Erifter. Voilà. Sorti aussi le 9 novembre dernier chez Epitaph Records. L'album. Parce que tu contient veux, 11 titres. 11 titres. C'est un quintet de metalcore formé en 2004 et nous viennent du Royaume-Uni. On vous laisse en musique. On se retrouve tout de suite après. N'oubliez pas 06 81 01 28 34. Il y a plein de choses à gagner ce soir. C'est parti, musique. Respect, breathing, taste, and De retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Biz qui diffuse le Rock for Show. Mais t'as l'impression aussi, le lundi soir. Ouais, et puis Radio Biz, c'est tous les mercredis soirs. Si vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Within Temptation. Ils seront en concert ce vendredi. C'est du métal, c'est peut-être de métal symphonique. Formé en 1996, ils nous viennent des Pays-Bas et ce sera donc au Zénith le concert. Ce que vous avez entendu juste avant, c'était Nanowar of Steel, suivi de All That Remains, et on a fini avec Architect. Eh bien, on va vous parler maintenant du spécial Vousier Festival Sold Out, et avec des groupes qui auront lieu là-bas. Alors, il y a un groupe anglais, il n'y a que des groupes français et un groupe anglais. Le groupe anglais est en tête d'affiche et il s'appelle Demon, un groupe de la New Wave of British Heavy Metal qui s'est formé en 1976. L'album s'appelle Night of the Demon. Le morceau s'appelle Night of the Demon, bien évidemment, pour un groupe qui s'appelle Demon. Voilà, c'est logique, tout se tient. Ils viennent de Demon ? Non, mais ils nous viennent de démons de différents. C'est l'album est sorti chez Carrère en 1981. C'est un sextet de la New Wave of British Heavy Metal. Et ils sont anglais. Nous enchaînerons ensuite avec les Français de Vulcain, qui viennent de nous sortir un nouvel album qui s'appelle Vinyl. Et ben, j'ai choisi le titre éponyme Vinyl parce qu'il est très bien et qu'il rentre dedans et que ouais, et je l'aime beaucoup. Sorti chez Season of Mist le 28 septembre dernier, l'album est vraiment très très très couillu, très bien. C'est un trio de hard rock qui s'est formé en 1981. Ils nous viennent de Paris. Et ils seront en concert donc à Vousier, on vous le rappelle, c'est le 1er décembre avec Demon, avec tout un tas d'autres groupes, Blasphème, il y aura également ADX, il y aura également Killers, il y aura également Attentat Rock, mais également Venin, Titan et Steel Square. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tous les groupes. Et on va continuer dans la programmation musicale de ce spécial Vouziers Metal Fest avant de recevoir notre ami William, l'organisateur de ce fest lors de la prochaine plage musicale. Mon cher Tom, on en était donc à Vulcain et oui. On va passer à Blasphème. Blasphème avec son album Désir de Vampire. Et le titre Taxer le Peuple. Ouais, ça tombe bien en ce moment, Taxer le Peuple. Et l'album sorti chez le label Lizard Records en 1985. C'est un quintet de heavy metal formé en 1981. Ils nous viennent de Paris City. Vous savez où c'est Paris ou pas? Ouais, c'est là, au milieu. En haut, au milieu, à gauche. Ouais, comme tu veux. Alors Blasphème, on va vous dire un petit peu quand même quelque chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a deux chanteurs, puisque Marc Ferry a quitté le groupe, définitivement. Et donc aujourd'hui, c'est un quintet de heavy metal au lieu d'un quartet tel qu'ils étaient avant. Ils ont sorti trois albums. Le premier s'appelait Blasphème. Je ne me rappelle même plus. Ouais, si, s'appelait Blasphème. Le deuxième, il s'appelle Désir de Vampire. Et le troisième, c'était Briser le Silence. Voilà, tout ça pour vous dire tout ça. Eh bien, on va vous laisser en musique et prenez bien votre téléphone parce que tout à l'heure, notre ami William vous fera gagner des places pour le Vouziers Metal Fest qui est affiché complet. Allez, 06 80 01 28 34. Musique. retour dans les studios sous les vivas de la foule que vous en délire, que vous entendez. C'est tiré de l'album live de Siddy Larsen, un quintet de fusion formé en 1997, français bien entendu, de Toulouse. Et ils seront en concert le 16, c'est-à-dire vendredi, mon cher Tom. Oui, Siddy Larsen que l'on connaît bien ici en concert vendredi au Trabendo à Paris avec Blabon et Butcher's Rodeo. Exactement. Et ce que l'on vient d'entendre, alors on peut vous dire aussi qu'il y aura des places à gagner pour Siddy Larsen, 06 81 01 28 34. Qu'est-ce qu'on pourrait vous demander Ah bah quel est le titre qu'on est en train de diffuser en fond sonore? Ça va être un peu compliqué, hein, mais voilà. Quel est le titre que l'on... Allez, Shazam et tous, mettez-vous sur Shazam, peut-être que vous le retrouverez. Qu'est-ce qu'on a écouté juste avant, mon cher Tom? On est parti en Angleterre. Oui, avec Damon, on est revenu en France avec Vulcain et Blasphème, taxer le peuple. Et puis on revient avec du français, Siddy Larsen, qui écoute un truc. Ouais, aussi pareil, hein, ça parle du peuple, ça parle de, ouais, de choses, des gens pas contents. Ça parle du 7 novembre. Donc, Blasphème, taxer le peuple, bah voilà, le 17 novembre, allez manifester, allez-y. Mais bloquez pas toutes les routes quand même, parce qu'on a besoin d'aller de circuler aussi un petit peu. Tu vas où, toi, ce week-end? Bah, chez moi, je vais chez moi, en banlieue. Ah, d'accord. Ouais, donc, mais ça va, parce qu'ils vont pas nous bloquer pour aller voir William, qu'on est au téléphone. Non, parce que William, lui, il sera pas bloqué, parce que William, il est là, par le filaire. Bonsoir à toi, mon cher William. Ouais, salut Phil. Comment vas-tu? Bien. Ah bah ça va toujours bien, ça va toujours bien. Dans les Ardennes après toutes ces commémorations du 11 novembre? Ouais, ouais, bon, y en a eu comme partout quoi. Ouais. Bon bah ça y est là, maintenant je pense que c'est fini, hein. On va passer à autre chose. Et on a un super anniversaire à fêter le 1er décembre. Hein. Ça a été un petit peu décalé dans le temps, mais tu vas nous expliquer un petit peu tout ça. Et puis surtout, félicitations, parce que ça a été Noël pour toi largement avant l'heure, puisque l'affiche est sold out depuis un bon petit moment. Oh oui, depuis le mois de novembre, fin novembre l'année dernière, on a tout vendu en 4 semaines. Alors, est-ce que ça a été une surprise pour toi, ou est-ce que c'était quelque chose auquel tu t'attendais, puisqu'il y avait déjà eu une affiche un petit peu dans le même style, qui avait aussi fédéré pas mal de gens? Oui, on avait déjà fait une affiche qui avait ressemblé un petit peu à ça en 2015, donc je pensais bien qu'elle avait déjà été sold out aussi, donc je me disais bien que ça ferait un petit peu pareil, mais je ne pensais pas que ça irait si vite, quoi, en fait. Je m'étais dit que ce sera complet au 31 décembre, et puis ben non, c'était le 28 novembre, pour être exact. Voilà, donc victime, le Vousillet Metal Fest, victime de son succès, et depuis le temps qu'on attendait ça, c'est vraiment un coup de chapeau, hein, et puis un grand merci pour mettre tous ces groupes français à l'honneur, tous ces groupes que l'on adore, les groupes des années 80, et puis on a en tête d'affiche un groupe anglais du nom de Damon, qu'on n'a pas vu en France depuis un sacré bout de temps. Comment s'est fait le contact? Comment les as-tu retrouvés? Et surtout, comment se trouvent-ils aujourd'hui à l'affiche du Vousillet Metal Fest? Oh, tout simplement, je cherchais un groupe dans ce genre-là, en fait, de ces années 80 là aussi, étranger. Et puis j'ai un contact avec un tourneur belge depuis quelques temps qui m'a proposé Damon, et je me suis dit, tiens, ça me semblerait pas mal, ils n'ont pas joué en France depuis longtemps. Et on a choisi comme ça, voilà, assez simplement. Bon, bah, tout dans la simplicité. Alors, on va retrouver des vieux briscards quand même. On vient de passer Vulcain, on vient de passer Blasphème. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on entend ces chants, ces musiques, ces mélodies, bon, on a envie de chanter, quoi. Et je pense que Vousillet va chanter le 1er décembre. Et ça ne sera pas des chants de Noël, hein. Moi, je vous le dis tout de suite, ça va être des chants guerriers. Et ce sera des chants bien heavy metal. Comment as-tu construit l'affiche, puisqu'on retrouve l'équipe qui sont déjà passés pas mal de fois à Vousillet, oui. Les ADX, les Blasphèmes, c'est pareil, Steel Square. Oui. Ouais, en fait, tout simplement, j'ai repris un petit peu la base de 2015, quoi. Et puis, comme on avait des gens, des groupes qui revenaient un petit peu sur le devant de la scène, qui ne jouaient pas depuis longtemps, bah, j'ai voulu les rajouter, parce que forcément, des gens comme Titan ou Venin me semblaient plutôt pas mal, ou Demonize d'ailleurs. Et donc, voilà, quoi. Hein. comment ça s'est fait tout simplement. C'est vrai, comme tu dis, c'est souvent simple avec moi. Bah oui, oui, oui. Ah oui, toujours. Et ce qui est vraiment la grosse surprise, ça a été ça. Titan, Demonize et Venin, puisque c'est ouais. des groupes que l'on n'avait pas l'habitude de voir couramment dans les affiches ces dernières années. Alors Titan s'est reformé, Venin avait tenté de se reformer déjà depuis un bon petit bout de temps, parce qu'il m'avait contacté moi pour le Paris Metal France oui. Festival, et il n'y avait pas trop grand chose à se mettre sous la dent à l'époque. Et puis maintenant ils ont sorti un album dont on va passer un extrait tout à l'heure. Et donc comment s'est fait le contact? Tu les connaissais déjà d'avant ou... Oui, oui, je les connaissais, même si pour être franc, je n'avais pas un souvenir autant que les autres groupes comme ADX, Steelers, Vulcain, etc. Mais je me souvenais d'eux à l'époque, quoi. Et puis, tout simplement, maintenant, avec les réseaux sociaux et tout ça, on envoie un message, et puis hop, ça va comme ça, quoi. Mais ça s'est fait... Voilà, comme ça, tout simplement comme ça, encore une fois. Ouais, en tout cas, encore un grand bravo à toi pour avoir réuni tous ces groupes. Je vais te faire parler un petit peu sur chacun d'eux. Quelles sont les affinités, les choses que tu as avec des groupes comme Vulcain, Blasphème, ADX, Steel Square, Attentat Rock? Parce que là, c'est le Attentat Rock, c'est pas Pink Rose et c'est pas les projets parallèles. Hein, c'est vraiment Attentat Rock avec Marquis au chant. Quels ont été les liens d'affection, je dirais, et d'amitié qui se sont forgés durant toutes ces années? Je dis toujours qu'à la base, moi je suis surtout, comme toi, un fan. On est surtout ça avant d'être un organisateur. Mmh. Donc moi j'ai commencé à écouter ces groupes-là dans les années 80 et puis à aimer ça. Et puis forcément, à force de les faire venir à Vouziers, des groupes comme ADX et Killers, par exemple, pour prendre ces deux-là, puisque c'est les deux qui ont joué le plus de fois à Vouziers, forcément depuis des années on est devenu... Alors, je sais pas s'il faut que je dise le mot ami, parce qu'on se voit pas tous les jours, quoi. Mais enfin, je pense qu'on a une relation amicale, très sympathique, et voilà. Donc, c'est pour ça que des fois, on me demande comment tu as fait pour réunir ces groupes-là. Et je réponds toujours de la même façon. Tout simplement, je leur ai demandé, ils m'ont dit oui, quoi, voilà. Et je pense qu'ils savent ce qui va se passer quand ils viennent à Vouziers, ils savent comment ça se passe. Et donc, ils acceptent très volontiers de venir, quoi, voilà, quoi. Hein. Et puis surtout, il y a une très bonne cantine à Vouziers. On mange très très bien, donc parce qu'il n'y a pas beaucoup de groupes qui t'ont fait cette petite anecdote. On me dit ça souvent, oui. Qu'est-ce qu'on mange? Voilà, donc allez dans les Ardennes. Il n'y a pas que le pâté des Ardennes. Hein. Vous avez aussi la guinguette chez William à Vouziers, à la salle des fêtes. Et c'est vraiment une ambiance très très très chaleureuse, faite pour les connaisseurs. Et puis, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de gens, maintenant du public, parce que on a appris que le public ne venait pas que de France. Cette fois-ci, c'est international. Oui. Alors, il vient déjà de beaucoup de France, hein, beaucoup de départements. Enfin, je ne les ai pas comptés, mais je pense qu'il ne doit pas y avoir pas loin de 2/3 des départements français, ce qui est beaucoup. Et puis, effectivement, alors, depuis quelques années, on commence à avoir quelques étrangers. Bon, on a la Belgique qui n'est pas très loin, mais on a commencé à avoir des Allemands, bon, des Hollandais, des choses comme ça, un petit peu d'Espagnols. Et là, ça commence à devenir loin. Et là, on a toujours ça. Mais cette année, on a aussi des Hongrois. Il y a 4 Hongrois qui vont venir. Il y a des Finlandais, des Suédois, qu'est-ce que j'oublie, des Danois, hein, bon, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie aussi. Il n'y a pas des Grecs? Les premiers Italiens. Non, j'ai pas de Grecs, a priori, non. Bon, mais on dansera pas le Tsirtakis, alors. Non, non, non. Et puis surtout, y a des gens qui vont traverser l'Atlantique, et ça, c'est d'autant plus étonnant, puisqu'il va y avoir 2 Canadiens, il va y avoir 4 Américains, 11 Mexicains et 3 Chiliens. Le Vouziers Metal Fest est devenu un festival international. On dirait, oui. Et en fait, tout simplement, et ça, c'est quelque chose que je suis content pour les groupes, c'est quand je leur demande, mais vous allez venir de si loin, ils me disent, mais nous, on est fans de ces groupes français-là des années 80 et on a envie de les voir, quoi. Voilà. Et ça, je trouve ça vachement bien pour nous. On les reprend, quoi. Voilà. Voilà. En tout cas, oui, c'est vrai que on peut leur rendre cet hommage-là à tous nos aficionados qui nous ont ravis lorsqu'on était beaucoup plus jeunes. Et puis, maintenant, ils continuent à nous ravir parce que ils savent encore faire riffer les mélodies et les guitares. Et ça nous fait grandement plaisir. On va reparler un petit peu musique. Et puis surtout, je sais que tu as un cadeau à faire aux auditeurs, étant donné que Le Vouziers Metal Festival est sold out, hein, donc il n'y a pas de place à vendre le soir même à l'entrée. Donc ne vous déplacez pas si vous n'avez pas votre place, ou essayez sur les réseaux sociaux, les choses comme ça, pour des gens qui pourront éventuellement avoir un empêchement au dernier moment et vous revendre leur place. Mais sachez qu'il n'y a pas de guichet, ça joue à guichet fermé, le Metal Vouziers Festival cette année. Hein. Mais William a un petit cadeau pour vous. Oh bah, tout simplement, on va mettre en jeu dans ton émission un billet. Donc, il y aura un heureux qui viendra à Vouziers gratuitement. Voilà, donc je te laisse le soin d'organiser ton petit jeu. Voilà, bah alors le petit jeu, il va être très très simple. On va d'abord laisser passer la musique et on le fera en fin, puisque comme ça, vous allez à écouter toute l'affiche. Et puis ensuite, on fera le jeu donc, dans la deuxième partie de cette émission. Là, pour l'instant, on va passer, donc on a passé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Demon, Vulcain et Blasphème. Et on va passer maintenant à ADX, tiré de l'album Exécution, sorti chez Devil's Record en 1985. Le morceau, bah, c'est le morceau que tout le monde chante dans toutes les langues. Caligula Bien évidemment, le morceau qui clôturait cet album Exécution de fort belle manière, et surtout qui clôture quasiment tous les concerts d'ADX par ce morceau d'anthologie speed, puisque le groupe est un quintet de speed metal mélodique formé en 1982 et ils nous viennent de la région parisienne de Compiègne exactement. On enchaînera ensuite avec Killers, les Bayonnais, et ce soir eh bien, c'est tiré de leur album Le Baiser de la Mort, et ce sera un morceau en basque. Bah oui, parce que le groupe est basque, bien évidemment. L'album est sorti en 2015, c'était une autoproduction comme pas mal de disque aujourd'hui de Killers qui se prend en main. Le quartet de Heavy Speed, alors là c'était les rois du speed, on les appelait les rois du speed à l'époque, ils y sont toujours dans le speed. Le groupe s'est formé en 1984, ils nous viennent donc de Bayonne. Et le morceau, alors moi je ne prononce pas trop bien le basque, est-ce que Tom tu sais parler le basque un petit peu est-ce que tu te risquerais à parler un peu basque ce soir, mon cher Tom? Et Torquizun Bidea. Bon, allez, on va dire que c'est OK. Merci, mon cher Tom. À peu près ça. Et puis, on va finir cette deuxième partie musicale du Vouziers Metal Fest avec Attentat Rock tiré de l'album Strike. Alors, pourquoi on a choisi cet album en anglais? Bah, tout simplement parce que c'est Marquis au chant et il est intervenu sur cet album pour la première fois. Et on va vous passer donc le morceau Forces of the Dark tiré de cet album Strike sorti chez Virgin en 1985. Ça date pas d'hier. C'est pas tout jeune. C'est un quintet de heavy metal formé en 1980 et ils nous venaient parce que maintenant ils viennent d'un peu partout, hein, ils nous venaient à l'époque d'Avignon. Voilà, donc on va vous laisser en musique et puis n'oubliez pas, commencez à faire chauffer votre téléphone 06 81 01 28 34 car tout à l'heure j'annoncerai la question pour rafler une place pour aller au Vouziers Metal Fest. Mon cher William, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant que l'on vienne le 1er décembre voir, visiter les Ardennes et surtout ce fabuleux Vouziers Metal Fest? Oh ben non, je pense que de toute façon là tout se passe bien, tout se présente bien, on sera prêt comme d'habitude. Alors sachez qu'il y a... Sachez qu'en plus du festival, il y a le merch, parce que chaque groupe aura du merch, il y a du merch dans la salle, il y aura à manger, il y aura à boire, bien évidemment, et il y a les gobelets et il y a les t-shirts du Vouziers Festival, ils sont arrivés, ils sont tout beaux, ils sont tout chauds, et vous pourrez remporter chez vous, en plus de votre place, un souvenir. Voilà. Mon cher William, merci d'avoir répondu à ces petites questions. Il n'y a pas de souci. Et puis on se voit le 1er décembre. Donc. Et encore merci pour le gagnant qui viendra en plus de toute cette affiche sold out. À bientôt. Merci, à bientôt Phil. Salut. Bye. We'll be right back. Caligula. Vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show sur Radio Biz et également sur Metal Invasion. Et vous venez d'écouter la deuxième partie de ce spécial Vousier Metal Fest avec ADX Killers. Et on a terminé avec Attentat Rock. Qu'est-ce que ça fleure bon le métal français des années 80. Nous allons poursuivre, mais avant ça, on va vous donner la chance de gagner encore des petites places. The question, what's the question for the place of the Vousier Festival? Non, après ça, on fera après la question. Je vais pas la faire tout de suite. On la fera après. Omnium Gaserum, c'est le groupe que vous entendez en fond sonore. C'est un sextet de death mélodique. On vous en a passé la semaine dernière déjà. La dernière émission en tout cas. Le groupe s'est formé en 1996, ils nous viennent de Finlande et l'album est sorti chez Century Media le 31 août dernier. Ils seront en concert à Paris le 19 novembre prochain au Petit Bain. Ils seront pas tout seuls puisqu'ils seront avec Wolf Earth et Northgard. Voilà, nous retournons au Vousier Metal Festival. Et là, nous allons passer à des groupes qui se sont reformés pour le festival. Et on va commencer avec Titan. Titan tiré de l'album Titan. Donc, c'était le premier album de Titan. Et le morceau que je vous propose, c'est l'Irlande du cœur, au cœur. L'Irlande au cœur, c'est un superbe morceau tiré de ce premier album de Titan sorti chez Sydney Productions en 1986. Salut Sydney. C'est pas le même, mais ouais. Et ADX était aussi sur Sydney Productions pour l'album La Terreur, qui était le deuxième album du groupe. C'est un quintet de heavy metal, les petits pères de Titan. Ils se sont formés en 1986 et ils nous viennent de France, de Bayonne. Jambon. Retenez bien tout ça, hein, parce que c'est important tout ce que je vous dis, hein, donc retenez bien. On enchaînera ensuite avec une autre formation. Alors, ils s'étaient reformés en 2008 pour le Paris Metal France Festival. Depuis, ils avaient fait quelques concerts, et puis le groupe s'était à nouveau séparé. Le groupe s'appelle Demonize, et ils avaient sorti un album en 1987 qui s'appelait Garde à vue. Et bien c'est justement un morceau de Garde à vue, Alizé, que nous allons vous diffuser ce soir, qui était sorti chez Warner Music Group en 1987. Ils sortaient du métal à l'époque. Il y en avait. Hein. C'est du heavy metal, ils se sont formés en 1982, séparation en 2011, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et reformation donc pour le Vousier Metal Fest, et ils nous viennent de Sannois, dans la région parisienne. Et enfin, on finira avec les invités du Rock for Show d'il y a quelques semaines, hein, il n'y a pas très très longtemps. On a été les voir au Pacifique, on a été les voir, j'ai été voir en répète. Ils seront à Vousier. Le groupe s'appelle Steel Square. Ils nous ont sorti un magnifique live 2008-2018 pour fêter leurs 10 ans de reformation. Le morceau que je vous propose de découvrir ce soir en live, c'est « Pour Dieu et le Roi ». Enregistré en 2008, c'est une autoproduction, l'album est sorti aux alentours du 15 septembre dernier. C'est un quintet de hard rock formé en 1981. Ils ont 3-4 albums à leur actif et quoi d'autre? Eh bien, ils nous viennent de Paris. Voilà, eh bien, on vous laisse en musique. Et attention, parce que dès qu'on va reprendre tout à l'heure, il y aura la question pour rafler votre place pour aller au Vousier Metal Fest le 1er décembre dans les Ardennes. Musique. Dieu, leur prendre tous les cieux. dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Biz et du Rockfort Show, qui est également diffusé sur Metal Invasion tous les lundis soirs. Vous venez d'écouter dans votre poste, dans vos oreilles, le groupe Titan, suivi du groupe Demonize, et on vient de terminer avec Steel Square, qui seront tous les trois, y compris ADX, Killers, Demon, Attentat Rock et Venin, que nous allons entendre là tout de suite, Killers également. Et on va vous poser surtout une petite question pour pouvoir rafler la dernière place pour aller voir le Vouziers Metal Fest. La question c'est, quelles sont les relations et les points communs entre Titan et Killers? Alors on aurait pu faire aussi entre Killers et ADX, mais non, ça sera entre Killers et Titan. À vous de nous répondre. 06 81 01 28 34. Ce que vous entendez en fond sonore, le groupe est grec, il s'appelle Rotting Christ. Ils seront en concert au Trabendo à Paris le 17, c'est-à-dire le jour. Il y a beaucoup de concerts le 17. Le jour où personne ne peut circuler. Voilà, le jour où personne va circuler, sauf si vous avez un gilet jaune, hein, peut-être. Ils ne seront pas tout seuls, ils seront avec Vatain et Profanatica au Trabendo, donc le 17. Ils nous viennent de Grèce, d'Athènes exactement. Et ils nous font du black gothic. Et ils se sont formés en 1987. C'est ça, mon cher Tom? Oui, mon cher Phil. Rotting Christ. Donc allez les voir, 06 81 01 28 34 si vous voulez rafler une place pour aller les voir. Nous allons terminer donc l'affiche du Vouziers Metal Fest avec Venin. Venin, qui nous a sorti un nouvel album cette année, le 16 mars dernier. Et l'album s'appelle, mon cher Tom, La morsure du Exactement. Et le titre que nous allons découvrir ce soir, Trafiquant de rock. Ouais, c'est un petit peu ce qu'on fait nous, hein. Trafiquant de rock for show nous. voilà, c'est sorti chez Grumpy Mood Record le 16 Grumpy, mars dernier. Grumpy. Ouais, ah oui, c'est un P. Moi j'ai Grumpy Mood Record. C'est Grumpy. L'album contient 9 titres. Et c'est un quartet de heavy mélodique formé en 1982. Ils se sont donc reformés pour participer au Vouziers Metal Fest, mais je crois qu'ils s'étaient reformés déjà un petit peu avant et ils nous viennent d'Aix-en-Provence. On continuera avec quelque chose de totalement différent, mais ça reste français puisque le groupe s'appelle Demon Tool. Ils nous ont envoyé le master de leur prochain album, donc le morceau s'appelle Immortel. C'est le morceau qu'on vous propose ce soir. Je ne sais pas quand sortira l'album, mais il est estampillé 2018, donc peut-être d'ici la fin de l'année, on ne sait pas. C'est du heavy speed. Ils se sont formés en 2003 et ils nous viennent de Paris. Et enfin, on terminera avec les sorcières brûlées, Burning Witches, avec le titre Possession. Moi, j'adore ce groupe, franchement, avec chanteuse et tout, c'est vraiment excellent. Ils nous viennent de Suisse, mon cher Tom, donc ils y vont lentement. Non, c'est pas la Suisse, hein. Ils vont très très très rapidement. L'album s'appelle Exenhammer, sorti chez Nuclear Blast le 9 novembre dernier. L'album contient 12 titres plus 2 titres en bonus. C'est un quintet de heavy metal formé en 2015. Ils nous viennent de Suisse. Musique, c'est parti. Déjà 06 81 01 28. Sauvage le pousse à l'abri des regards. Il me nomme le savant Paul. Dans une cave obscure, mon laboratoire des formules dans un grimoire. Oh, toutes mes recherches qui défient la nature pour un seul but, ma créature. De flacons en poisson, je m'acharne sur un cadavre, un cobaye, au long bout de chair. Abomination, un peu ça tourne les dents, à cause de tous les traits de mon œuvre. Monstruosité, tel un tableau de maître, je dessine, je parfais les contours de liberté. La médecine, mon âme en sacrifice. De carbos en tombeau, je profane, j'arrache les morts à leur trépas. Oh, cousu dans le sang, point des fils de la souffrance, vous noyez par ma démence. Égorgerai votre heure, au lieu de tous ces tueurs, je prélève la scène de mon labeur. Abomination, un peu ça tourne les dents. De mon œuvre, monstruosité, tel un tableau de maître, je dessine, je parfais les contours de liberté. Liberté, les fruits de ma folie. Liberté, un arbre au scalpel. Liberté, brûlé. C'est l'heure de briser les chaînes. Debout devant moi, je le vois qui s'éveille. Toute cette forme olive qui jaillit. La prélude, tous ces mots qui s'ébranlent. A-t-il un esprit qui crée l'immortel? Be my everybody's pride. You be mine. que du rock for show. Diffusé sur Radio Biz. Metal Invasion. Et Metal Invasion, bien évidemment. Vous avez salut Eric, salut Sydney. Vous avez pu entendre Venin, Demon Tool et Burning Witches. Et ce que vous entendez en fond sonore, là, maintenant, tout de suite, sans plus attendre, c'est No One Is Innocent, tiré de leur album, le dernier, Frankenstein, sorti chez V-Record le 30 mars dernier. Quintette de fusion formé en 1994 en France, à Paris exactement. Ils seront en concert, mon cher Tom. Qu'est-ce qu'il y a comme concert et comme bon concert? Si tu savais... Le... Il y en a trop, le 21 novembre prochain à la Cigale. Merci, monsieur Tom. Nous allons continuer avec encore un groupe en concert. Le groupe s'appelle Greenleaf, tiré de leur album Hear the Rivers. C'est du stoner un petit peu. Voilà. Le morceau qu'on vous diffusera ce soir s'appelle Good of Good. Et c'est sorti chez Napalm Records le 9 novembre dernier. C'est un quartet de stoner formé en 1999. Ils nous viennent de Suède et, mon cher Tom, ils sont eux aussi en concert. Oui, au avec Sava Mayo. Exactement. Sava Mayo, pas Sava Mayo. Sava Mayo. Non, c'est Sava Mayo. Au Glazart le 16 novembre, c'est-à-dire ce week-end. Voilà. Très bien. Ah. Nous enchaînons ensuite avec Ein Herger. Ils seront pas en concert, eux. Non, j'ai pas vu de concert d'Ein Herger, mais c'est pas mal du tout. Vous allez voir, c'est un peu. Vous allez découvrir. Hein. C'est dur à dire parce que c'est du norvégien, je crois. Hein, ouais, c'est ça. C'est du norvégien. C'est du Black Viking, formé en 1993 de Norvège. Ils nous sortent un album. Enfin, nous ont sorti un dernier album le 9 novembre dernier. C'est de l'Indie Record. Le titre de cet Indie album Recordings. Indie Recordings. Le titre de cet album No One Spore et le titre de qu'on va vous faire découvrir Spree Vigene. Ouais, je sais bien, tu parles norvégien couramment, ça c'est bien. C'est un truc qui ressemble comme ça, quoi. J'adore, c'est super, merci. Je savais pas que tu avais ce talent. Eh bien, bravo, mon cher Tom. Nous enchaînons ensuite avec Andy James, tiré de son premier album Arrival. C'est de l'instrumental, mais excellentissime instrumental. On devait vous le diffuser déjà il y a quelques semaines et on n'a pas eu le temps. Le morceau s'appelle As I Fall, sorti chez Urban Yeti Record le 19 octobre dernier. L'album contient 12 titres plus un bonus. C'est un guitar hero. Il a formé ce groupe-là en 1999 et il nous vient du Royaume-Uni de Norwich. Allez, on envoie tout de suite la musique et on se retrouve tout de suite après. 06 80 01 28 34. We'll be right back. voilà, c'était Greenleaf, suivi de Henher Year. Et on a terminé avec Andy James dans le Rock for Show sur Radio Biz et Metal Invasion, bien sûr. T'as du mal, tu les as oubliés ou pas? Non, mais j'essaye de me tenir un peu de suspense, voir si tu vas rebondir, tu vois, c'est toujours un peu comme ça, mon cher Tom. Qu'est-ce qu'on entend, fond sonore? Ah, hurlement! Hurlement avec un houm la guerrier, sorti en janvier 2017, un certain jour d'un pouf pouf pouf pouf. Exactement. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le pouf pouf pouf? Le pouf? Bah c'est un peu comme le Vousier Metal Fest. Si, tu, que dis, les si tu dis en même temps, c'est mort. Ouais, mais c'est pas grave. Moi, c'est une question, ils auraient pu gagner une place pour aller voir au club avec Méline et Cortex le 29 prochain quoi. Voilà, hurlement, tiré de leur album La Mort sera belle, hein, chez ouais. Emanes Metal Music. Formé en 2003, c'est un quartet de heavy metal, ils nous viennent de Paris City. Voilà, et on retrouvera Alexis au chant, là, que vous entendez, et ben vous le retrouverez dans Blasphème au Vousier Metal Festival. T'as vu comme c'est bien fait, les transitions, tout ça ouais, hein, ouais, hein ouais, c'est génial. Hein. Allez, hormis ça... On devrait être payé pour ça, quoi. Ouais, complètement. Hormis ça, on va passer encore à des nouveautés avec Skull Pit, tiré de leur album Skull Pit. Et le morceau que je vous propose de découvrir ce soir, c'est Roller, sorti chez Metal Blade Records. Ça sort quand? Ça sort dans deux jours. Ça sort demain. Après, ça sort dans deux jours, le 16/11/2018. 9 titres plus un bonus pour l'édition limitée. Premier album, inspiré très années 70, 80, New Wave of British Heavy Metal. Et ils ne renieront pas leurs influences motoreadiennes, puisque vraiment très très bien. C'est un nouveau groupe composé de deux, d'un duo américano-japonais, avec un musicien de Exhumer et un musicien de Church of Misery. Oui, c'est ça. Donc voilà, ils font un truc qui est sympathique, vous allez voir, c'est très rock'n'roll. Ça ressemble beaucoup à Motorhead quand même. Hein. Voilà, donc on vous fait découvrir ça. On enchaînera ensuite avec Sylvaine. Elle est toute seule, la petite, elle est mignonne tout plein. Bon, elle fait du bruit quand même. Hein. Le morceau s'appelle Severance et le titre de l'album s'appelle Atoms, Aligned, Coming. Ah non, j'ai oublié un autre nom, c'est Undone. Alors c'est Atoms, Aligned, Coming, Undone. Voilà, rien que ça. C'est un album de 6 titres sorti chez Season of Mist le 2 novembre dernier. C'est une artiste solo qui fait du black atmosphérique. Alors Tom, je sais que ça va pas trop te parler tout ça. Non mais moi je ferme les oreilles. Il y a juste le côté atmosphérique qui va peut-être te plaire. elle a pris sa cette composition en 2013 et elle nous vient de Norvège, d'Oslo exactement. Bah voilà. Bon, on vous laisse en musique et on se retrouve tout de suite après. Out! pour la fin de cette émission, il va être l'heure de se quitter sur Witch King, album 10 titres, sorti chez Blood Harvest le 26 octobre dernier. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? C'est du grindcore, l'album s'appelle Voice of the Ossuary, et c'est un trio de black death metal formé en 2008 aux États-Unis. Et ce que vous avez entendu juste avant, c'était Skullpit et Sylvain, et nous allons vous laisser aux douces mélodies du nouvel album de Sudakra qui s'appelle Simbic Yarns, et le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Serpentine Origins, sorti chez AFM Records le 10 novembre dernier. L'album contient 10 titres, c'est que de l'acoustique pour Sudakra. Donc c'est un quartet de folk death metal formé en 1995, c'est ça mon cher Tom? Non, oui, c'est ça. Je crois. Attends. Ils nous viennent d'Allemagne, de Düsseldorf. Voilà. Eh bien on vous dit à très bientôt sur les ondes du Radio Biz. 94, fille, excuse-moi. 94, ouais. Bon, c'est pas grave. 95, à un an près, hein, on était bon. Donc sur les ondes de Radio Biz, vous pourrez retrouver bientôt le Rock for Show, mais également sur Metal Invasion. Et des podcasts sur le site archive.org. Exact. C'était Rock. C'était fort. C'était Show. C'était le Rock for Show. Exactement. Bye bye bye bye bye. Sword to mind, prime a stone of serpentine.